The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Hour. L'heure. To be. Être. To want. Vouloir. To drink. Boire. Too much. Trop. Now, a bit faster. To be. Être. To drink. Boire. Hour. L'heure. To be. Être. To want. Vouloir. To drink. Boire. To want. Vouloir. To drink. Boire. To be. Être. Now, use the words in context. L'heure. At 10. À 10 heures. Être. It's 5. Il est 5 heures. Vouloir. Do you want a beer? Tu veux une bière? Boire. You drink. Tu bois. Trop. He is too tall. Il est trop grand. L'heure. At 10. À 10 heures. Être. It's 5. Il est 5 heures. Vouloir. Do you want a beer? Tu veux une bière? Trop. He is too tall. Il est trop grand.